Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons notre récit historique. Alors que nous parlions juste avant la pause de l'augmentation des contacts entre la Chine et l'Occident dans le contexte de la Pax Mongolica. C'est ainsi qu'à partir du 13e siècle, des missionnaires franciscains furent envoyés à Karakorum, à commencer par Jean Duplan Carpin, qui fut dépêché en 1245 par le pape Innocent IV, qui était alors à la recherche d'un endroit mythique qu'on appelait à l'époque le royaume du prêtre Jean. Dans le contexte des croisades, les royaumes chrétiens d'Europe ont longtemps cherché ce royaume mythique que certains situaient en Afrique de l'Est, dans les environs de l'Éthiopie, alors que d'autres le situaient en Asie orientale. Jean Duplan Carpin rédigea un récit de ses pérégrinations intitulé « Histoire des Mongols », relatant son périple à travers l'Asie. Un autre envoyé franciscain de l'époque fut Guillaume de Roubrouck en 1253-1254, envoyé par le pape et par Louis IX, roi de France, dans le contexte de la sixième croisade, alors qu'on cherchait en Extrême-Orient un allié militaire potentiel. Jean de Montcorvin et Odoric de Pordenon furent d'autres missionnaires qui se rendirent jusque dans la Chine de la dynastie Yuan au XIIIe siècle. Même si on en sait peu de l'histoire des chrétiens en Chine à cette époque, des fouilles archéologiques ont confirmé la présence d'églises dans la région du littoral, tout près de Canton et aussi dans la province du Fujian. Par contre, les plus connus parmi les voyageurs européens du XIIIe siècle font partie de la famille Polo, dont les frères Niccolo et Matteo, qui étaient père et oncle de Marco Polo. Les deux frères Polo auraient voyagé une première fois entre 1254 et 1269 et serait ensuite retourné vers la Chine pour un deuxième périple en 1271, accompagné cette fois de Marco Polo. On dit que Marco et les frères Polo auraient séjourné 17 ans en Chine, soit entre 1275 et 1292, et qu'au cours de cette période, Marco aurait exercé diverses fonctions au service de Kublai Khan, empereur de la dynastie Yuan. Toutefois, ces informations sont difficiles à valider complètement puisqu'il n'existe aucune trace ni aucune mention de la Chine dans les documents notariés européens liés à la famille Polo, tant du côté des testaments que des rapports de police. Et il n'y a aucune mention non plus de cet étranger au service de la dynastie dans les archives chinoises de l'époque. Le fardeau de la preuve au sujet du séjour de Marco Polo en Chine repose donc presque entièrement sur le témoignage qu'on en retrouve dans son récit intitulé « Le Livre des Merveilles », aussi connu comme étant « Le Devisement du Monde ». Le Livre des Merveilles, en fait, a été rédigé par un dénommé Rusticello, suite au récit que lui aurait dicté Marco Polo alors que les deux partageaient une cellule de prison. Selon plusieurs spécialistes, le livre contient un amalgame de faits historiques avérés, mais aussi des généralisations, des exagérations, des histoires peu vraisemblables et même carrément des inventions pures et simples. Les doutes au sujet de la véracité de son séjour ont été soulevés par Francis Wood dans un livre publié en 1995 intitulé « Did Marco Polo go to China? » Parmi les arguments en faveur de la véracité d'un séjour en Chine, on trouve dans le récit de Marco Polo des descriptions de batailles militaires importantes, dont les détails correspondent à ceux qu'on retrouve dans les archives chinoises. À cela s'ajoute le fait que des fouilles archéologiques récentes ont également confirmé la présence d'une communauté de marchands vénitiens qui était établie en Chine dans la région de Yangzhou autour de l'an 1300. Par ailleurs, le livre donne aussi des descriptions claires au sujet du papier-monnaie, de la combustion du charbon, de l'importance du sel, des rivières, des canaux et des bordels. Par contre, et c'est ce qui continue à nourrir les doutes au sujet de l'intégralité du séjour raconté, on ne trouve rien dans son récit au sujet des non-chinois, de la consommation du thé, l'utilisation des baguettes, la calligraphie, les pieds bandés, la pêche aux cormorans, qui sont tous des éléments marquants qui auraient pu susciter la curiosité d'un homme venu d'Europe qui aurait séjourné en Chine pour une aussi longue période de temps. Quoi qu'il en soit, et même si on est incapable d'établir sans l'ombre d'un doute l'authenticité et l'intégralité de son séjour tel que relaté dans le Livre des Merveilles, l'impact de son livre sur les mentalités européennes de l'époque est pour sa part indéniable. Comme on le sait, la recherche du Kathé, le nom par lequel on nommait la Chine à l'époque, fut au cœur de toute l'entreprise d'exploration européenne qui débuta à partir du 15e siècle. On dit même parfois que le Livre des Merveilles était le livre de chevet d'un certain Christophe Colomb. Et c'est ainsi qu'on se plonge dans la deuxième partie du chapitre 8, intitulée « Matteo Ricci et la mission jésuite de l'époque moderne ». Depuis l'émergence de l'Empire ottoman à partir de 1299 et surtout la prise de Constantinople de 1453, les pays européens se sont lancés à la recherche d'une autre route commerciale vers l'Asie. Une route maritime plutôt que continentale, notamment pour tenter de rejoindre le Kathé, le pays fabuleux décrit dans le Livre des Merveilles de Marco Polo. Ce furent d'abord les pays de la péninsule ibérique, soit le Portugal et l'Espagne, qui se lancèrent les premiers à l'assaut des mers du monde, mais bientôt, l'ensemble des pays européens prirent part à ce qu'il convient de nommer l'âge d'or des grandes découvertes au 15e, 16e siècle. Des explorateurs, des diplomates, des marchands et des missionnaires prirent part à ces nombreux voyages, dont plusieurs menèrent aux établissements que nous connaissons en Amérique, incluant Christophe Colomb en 1492 et bien sûr Jacques Cartier en 1534, pour ne nommer que ceux-ci. Pour ce qui est de l'exploration vers l'Asie à proprement parler, les Portugais se sont lancés à la découverte des côtes de l'Afrique en 1418, pour arriver au Cap de Bonne-Espérance à l'extrême sud du continent en 1488, puis aux Indes en 1498, alors que Vasco de Gama fut le premier Européen à s'y rendre. L'établissement de Goa en Inde fut mis sur pied en 1510 et le premier voyage vers la Chine fut organisé dès l'année 1513. Par la suite, l'établissement portugais de Macao prit corps à partir de 1557 sur des terres cédées par l'empereur de la dynastie Ming en remerciement de services rendus dans la lutte contre la piraterie qui sévissait dans les eaux de la région. Suite à la fondation de l'Ordre des Jésuites en 1534, François-Xavier arriva au Japon en 1549. Et alors qu'il tentait d'évangéliser les populations locales, on lui expliqua que s'il voulait comprendre le Japon, il devait d'abord tenter de comprendre la Chine, ce qu'il ne parvint jamais à faire puisqu'il mourut aux portes de l'Empire du Milieu. C'est à Matteo Ricci que revient le mérite d'avoir fondé la mission chrétienne de Chine. Et ce dernier est arrivé à Goa en 1580, et de là, il atteignit la Chine en 1582, et il fut reçu à la capitale, soit à Pékin, en 1601, où il mourut en 1610. Alors qu'au départ, Matteo Ricci s'était présenté comme un genre de moine qui serait comparable aux moines bouddhistes qui avaient cours en Asie, en Chine et au Japon. Matteo Ricci a compris rapidement l'opinion négative qui circulait en Chine contre les moines et il se présenta plutôt comme un lettré venu de l'Occident. À l'inverse de ce qui avait cours à la même époque ailleurs dans le monde, Matteo Ricci mit en œuvre une stratégie d'évangélisation qui reposait sur les principes de l'inculturation. Il s'agit d'une stratégie inspirée par le travail de Alexandre Valignano qui séjourna au Japon entre 1539 et 1606. La stratégie de l'inculturation reposait sur trois éléments essentiels, dont le premier était de se mettre à l'école de la Chine. Pour ce faire, Matteo Ricci propose de se faire chinois avec les Chinois et de vivre comme eux, en prenant d'abord un nom chinois qui devint Li Mato, en portant des vêtements chinois. Il utilisait la robe des lettrés, mais surtout par l'apprentissage assidu de la langue chinoise, de la culture et surtout des classiques de la tradition chinoise. Les difficultés rencontrées par les jésuites de Chine sur ces questions d'apprentissage nous sont très bien connues, notamment grâce à la somme monumentale de lettres que ceux-ci ont rédigées, témoignant des différentes facettes de leur entreprise d'évangélisation. Ces lettres nous sont connues sous le titre de « Lettres édifiantes et curieuses » et on en trouve de nombreuses qui témoignent non seulement de l'œuvre des jésuites en Chine, mais aussi ailleurs en Asie et dans le monde. Par exemple, au sujet de l'importance accordée par les Chinois à leurs propres classiques et à leurs propres traditions, on trouve ce commentaire dans une lettre du père Chavagnac datée du 10 février 1703, une réponse qu'il avait obtenue auprès d'un lettré chinois. « Votre religion n'est point dans nos livres, c'est une religion étrangère. Y a-t-il quelque chose de bon ?» hors de la Chine, et quelque chose de vrai que nos savants aient ignoré. Pour ce qui est de l'apprentissage de la langue du pays, dans la même lettre, le témoignage du père Chavagnac nous montre l'ampleur des difficultés rencontrées, alors que ce dernier nous assure que, selon ses dires, « il n'y a que pour Dieu qu'on puisse se donner la peine de l'apprendre ». Voici 5 grands mois que j'emploie 8 heures par jour à écrire des dictionnaires. Ce travail m'a mis en état d'apprendre enfin à lire. Et il y a 15 jours que j'ai ici un lettré, avec qui je passe 3 heures le matin et 3 heures le soir à examiner des caractères chinois et à les épeler comme un enfant. L'alphabet de ce pays a environ 40 000 lettres. Je parle des lettres d'usage, car on en compte en tout jusqu'à 60 000. Et pour ce qui est des difficultés plus spécifiques rattachées à l'apprentissage de cette langue pour les étrangers venus d'Europe, on trouve dans une lettre du père Bourgeois, datée celle-ci du mois d'octobre 1769, le commentaire suivant. « Le chinois est bien difficile. » Je puis vous assurer qu'il ne ressemble en rien à aucune langue connue. Le même mot n'a jamais qu'une seule terminaison. On n'y trouve point tout ce qui, dans nos déclinaisons, distingue le genre et le nombre des choses dont on parle. Dans le verbe, rien ne nous aide à faire entendre quelle est la personne qui agit, comment et en quel temps elle agit, si elle agit seule ou avec d'autres. Le même mot est substantif, adjectif, verbe, adverbe, singulier, pluriel, masculin, féminin, etc. Aujourd'hui encore, l'apprentissage de la langue chinoise est un travail de longue haleine, fort complexe en soi pour quelqu'un qui l'étudie de l'extérieur. Mais les difficultés contemporaines qu'on peut rencontrer ne sont rien si on les compare avec celles vécues par les jésuites de l'époque moderne qui, rappelons-le, n'avaient au départ ni dictionnaire, ni grammaire, ni manuel d'études, et encore moins toutes les ressources technologiques et les vidéos auxquelles nous avons accès aujourd'hui, pour nous aider à cheminer dans l'apprentissage de cette langue difficile, mais combien magnifique à apprendre. D'ailleurs, considérant le travail monumental des premiers jésuites de Chine et l'héritage qu'ils ont légué à tous les sinologues en herbe qui les ont suivis à travers l'histoire, il n'est pas déplacé de considérer ceux-ci comme une véritable génération de géants. Et c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage classique de George H. Donne, publié en 1962, portant sur l'histoire de la mission jésuite en Chine à l'époque de la dynastie Ming. Le titre du livre en question est tout simplement « Generation of Giants ». Si on revient maintenant à la stratégie de l'inculturation portée par les jésuites de Chine, le deuxième élément de la stratégie d'évangélisation de Matteo Ricci est de viser la conversion de la société par le haut. Considérant le fait que la société chinoise était à l'époque très hiérarchisée, les jésuites cherchaient à convertir l'élite de la société, soit les lettrés confucéens, ainsi que l'empereur et tout son entourage, en espérant que cette conversion aurait ensuite rejailli sur l'ensemble de la population. Finalement, le dernier élément de la stratégie d'inculturation des jésuites de Chine était de mettre la science au service de l'Évangile. L'objectif ici était tout simplement de tenter de convaincre l'élite intellectuelle chinoise en prouvant la supériorité des sciences européennes. Bref, on tentait d'épater la galerie en faisant étalage des connaissances scientifiques avant même de tenter de convertir les Chinois. Parmi les contributions majeures de Ricci, celle-ci touche au domaine de la géographie, l'astronomie et la philosophie, incluant notamment la première carte géographique complète du monde publiée en Chine au début du 17e siècle. Un traité sur l'amitié qu'il rédigea et qui fut très bien reçu par ses auditeurs, sa traduction de la géométrie d'Euclide en chinois, ainsi que de nombreux dialogues et traités sur les religions. L'œuvre d'évangélisation des jésuites en Chine est paradoxale sur plusieurs plans, puisque l'approche qu'ils ont employée est complètement différente, pour ne pas dire aux antipodes de ce qui se faisait et ce qui se vivait à la même époque en Europe et en Amérique. Par exemple, l'idée même que la science soit au service de l'Évangile résonne étrangement à nos oreilles quand on compare la mission chinoise des jésuites avec le sort de, par exemple, Giordano Bruno ou même de Galilée, qui ont eu maille à partir avec l'Église à la même époque. Par ailleurs, l'utilisation de la langue chinoise pour évangéliser les Chinois faisait aussi contraste avec la querelle entre catholiques et protestants en Europe, ayant parmi ses enjeux fondamentaux l'utilisation ou non des langues vernaculaires européennes pour traduire la Bible, afin de rejoindre les croyants dans leur culture locale. Nous continuerons la semaine prochaine avec l'œuvre des missionnaires jésuites qui ont poursuivi le travail acharné de Ricci, en s'inspirant de son approche basée sur l'inculturation. Et nous verrons les succès que ceux-ci ont obtenus malgré le déclin de la dynastie Ming et la venue au pouvoir de la nouvelle dynastie des Qing en 1644. D'ici là, on retourne en musique et pour la dernière pièce musicale de la journée, on se tourne vers un groupe que nous avons déjà entendu au cours des premiers épisodes. Un groupe nommé Karsick Cars, qui nous propose aujourd'hui une chanson tirée de leur album éponyme sorti en 2007, une pièce intitulée Guangchang, ce qui signifie « place publique ». Les paroles de la chanson nous parlent d'une place publique dans laquelle il n'y a plus d'espoir. « Ige meiyou siwang de Guangchang ». Et quand on étudie l'histoire de la Chine, on est évidemment tenté de vouloir faire un parallèle avec les événements de la place Tiananmen, qui se dit Tiananmen Guangchang en chinois. Mais même s'il peut y avoir du vrai dans tout ça, ce serait là, il me semble, tomber dans le piège de ceux qui décrivent les pailles qui se trouvent dans l'œil de leur prochain sans voir la poutre qui est dans le leur. Ça ressemble à quoi une place publique sans espoir? Ige meiyou siwang de Guangchang? Ça peut ressembler exactement à nos rues et à nos places publiques, alors que, de plus en plus, nous vivons dans des sociétés atomisées, isolées les uns des autres dans nos petits conforts personnels, avec nos écrans plasma dernier cri et nos fauteuils individuels à toute épreuve. On parle beaucoup de la crise de l'itinérance depuis quelques années. On parle beaucoup du fait qu'il y aurait trop de monde dans la rue. Mais le problème de fond de nos sociétés est peut-être justement le contraire. Le problème véritable est peut-être lié au fait qu'il n'y a pas assez de monde dans les rues et les places publiques. Le problème est peut-être lié au fait que nos places publiques sont devenues avec le temps des places publiques sans espoir, des meiyou siwang de Guangchang. En attendant que nous soyons capables de trouver une manière de redonner un peu d'espoir à nos places publiques, je vous laisse avec cette chanson de Karsick Cars intitulée Guangchang. Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧.